France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Amy Winehouse, la comète soul. Avant elle, il y eut Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, tous morts entre 1969 et 1971, à l'âge de 27 ans. Ils symbolisaient l'insouciance et les dérives des années 60, l'essor de la société du spectacle, le solaire Summer of Love, ainsi que sa face plus sombre, la drogue. Puis c'est Kurt Cobain, l'archange du grunge, qui en 1994 se donne la mort, prisonnier d'une célébrité qu'il n'avait pas désirée, parti au même âge que les autres. 10 ans plus tard, voilà qu'apparaît une jeune femme qui redessine la carte du star system, avec la voix d'une diva noire à la Sarah Vaughan, dans la peau d'une blanche à l'accent cockney, un cocktail détonnant qui tranche avec les standards de ces années 2000, chorégraphiés, aseptisés dans des boîtes de prod. Le nom de cette tornade, Amy Winehouse. Un talent précoce, une vie à fond la caisse et un succès planétaire qui se referme sur elle comme un piège, pour elle aussi, comme pour les autres. Au final, un parcours troublant, rythmé par la drogue et miné par un chagrin insondable. Un parcours qui s'achève en 2011 et qui l'a fait entrer en version 2.0 dans la légende de ce dramatique club des 27. Notre invité aujourd'hui est le journaliste Mishka Sayas, qui produit depuis 2015 sur France Inter l'émission musicale Very Good Trip. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Sophie Vaubert. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, David Leprince. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. Belgrade, samedi 18 juin 2011. Ils sont 20 000 à se masser dans le parc de Kalenengan et ils s'impatientent. Sur scène, les choristes entrent, vêtus de costumes roses. Les musiciens sont en place. En coulisses, une jeune artiste est sous pression. Il fait si chaud. Sa robe de pin-up lui colle à la peau et elle se sent tellement mal. Soudain, on l'annonce au micro et la foule l'acclame en criant son nom, Amy. Alors oui, il faut y aller. Elle s'élance, part embrasser son choriste, puis s'assied sur une enceinte en tournant le dos à ce public qui crie encore plus fort. Elle enlève ses ballerines, tombe, se relève en titubant. La vérité, c'est qu'elle est saoule et totalement défoncée. Elle sait bien qu'elle ne parviendra pas à chanter ce soir. Mais personne ne la ramène dans sa loge. The show must go on. Alors elle se force et offre, durant 43 minutes, le concert le plus pathétique de sa vie. Un vrai chemin de croix, durant lequel elle miaule des couplets inexacts, part se cacher derrière le batteur, revient à contre-cœur, puis regarde le ciel comme si elle priait pour que tout s'arrête. Un vrai calvaire. Au bout du compte, un set de 12 titres en forme de sabordage, à l'issue duquel la star décide d'annuler sa tournée et de rentrer en Angleterre, direction la Priory Clinic, réputée pour accueillir des VIP comme Kate Moss ou Britney Spears. Une aubaine pour les tabloïds, qui ajoutent à leur carnet rose une sorte de chronique de la défonce. Certains sites américains proposent même de parier sur la date de la mort de ces stars déclinantes, avec, pour ce qui concerne Amy Winehouse, un iPod à gagner. Voilà pourquoi le journaliste Philippe Manœuvre déclare « Janis Joplin et Jim Morrison n'ont probablement pas fait mieux dans leur vie, mais ils n'évoluaient pas, eux, à une époque où tous les écrans relaient en temps réel vos faits et gestes. » En effet, ce sont bien ces écrans-là qui diffusent jusqu'à la nausée la chute des stars. Nuit et jour, les paparazzi font le siège devant son domicile, un business qui amplifie ses crises de nerfs. Dans le journal Le Point, Sacha Reims pose la question « Qui a eu la peau de la bad girl ?» Certes, le star system l'a vampirisé, mais les regards se tournent aussi vers un homme, Fleck, Fielder Civil, son grand amour, de qui elle est fraîchement divorcée, mais dont elle ne parvient pas à se défaire. D'autres encore blâment son père, Mitch, qui sera la cause première de son mal-être. Il a 33 ans cet homme lorsque naît Amy, le 14 septembre 1983, dans le nord de Londres. C'est son deuxième enfant. Ce fan de jazz, fort en gueule, est représentant de commerce et chauffeur de taxi. Oui, les temps sont durs dans l'Angleterre thatchérienne. D'autant que son couple est instable. En vérité, il ne supporte plus les airs de victime que prend sa femme, Janice, qui se plaint sans cesse de la petite Amy. L'enfant, en effet, est turbulente. Alors, dès que possible, on la confie à Cynthia, la mère de Mitch. Elle lui parle de ses origines biélorusses et juives, de sa liaison passée avec le saxophoniste Ronnie Scott, et surtout, elle lui apprend le jazz. Une musique qu'elle écoute en boucle et qui fait un bien fou à la petite fille. Surtout depuis que son père a claqué la porte du domicile conjugal. Ma mère avait ses enfants qu'elle élevait seule. C'est-à-dire que même là, mon père n'était pas là. Il a raté les choses importantes. Et je ne parle pas que de l'école. Le soir, quand on refusait d'aller se coucher, mon père n'était pas là pour dire « Obéis à ta mère, ça a manqué ». C'était le boulot, il disait. Premier choc affectif et première volupté musicale à l'écoute d'Ella Fitzgerald, Nina Simone ou Sarah Vaughan. Les imiter, c'est faire allégeance à ce monde bluesy. Mais c'est aussi faire allégeance à son charmeur de père, parti vivre avec une certaine Jane. En conséquence, voilà qu'à l'école, les notes d'Amy dégringolent. Plutôt que d'obéir, elle préfère chanter à tue-tête, lire la trappe-cœur de Salinger et prendre du Lyroxate, un antidépresseur censé calmer ses crises d'angoisse. J'étais sous Lyroxate. Ça me rendait foutraque et soupaulée. Mais la dépression, je ne connaissais pas. Je me sentais juste bizarre et à part. C'était lié à la musique, c'est pour ça que j'écris. Je ne suis pas non plus à la ramasse. Beaucoup de gens souffrent de dépression, mais n'ont pas d'exutoire. Seulement, c'est pas une heure de guitare qui va les soulager. Il y a l'amour de la guitare, certes, mais il y a aussi la puissance de sa voix. Alors, avec son amie Juliet, elle imite les choristes du groupe Moham, puis fonde son premier groupe de R&B. Dans le documentaire Amy d'Asif Kapadian, sorti en 2015, on la découvre qui chante avec ses copines. Elle a alors 14 ans. C'est mon 14th birthday evening and party. Happy birthday yes, to you. Happy birthday to you. Eh oui, déjà. C'est sans difficulté, en tout cas, qu'elle décroche une bourse pour la très renommée école Sylvia Young, d'où elle se fait renvoyer à cause du piercing qu'elle refuse d'enlever. Des années plus tard, la directrice de cet établissement déclarera « Il m'est difficile de dire à quel point je l'ai trouvée unique, aussi bien en tant que compositrice que comme interprète, avec cette même coiffure originale qu'elle arbore aujourd'hui. Elle avait le potentiel pour devenir une Judy Garland ou une Ella Fitzgerald. » Il n'empêche, après avoir tenté sa chance dans deux autres lycées, la jeune fille plaque tout pour devenir vendeuse dans une friperie, puis pigiste dans une revue musicale. Bien, les jours passent, typiques de ceux que traversent les filles de la middle class. Partie de billard au pub, pinte de bière et Moscow Mules les jours de paix. Son rêve est alors de devenir serveuse en roller. Jusqu'à ce qu'en 2002, elle rencontre Nick Szymanski et Simon Fuller. Ce dernier travaille pour Universal et a mis en orbite les Spice Girls quelques années auparavant, un univers qui ne correspond pas à celui d'Amy. Mais lorsqu'il me propose $250 par semaine, ainsi qu'un premier album à produire avec le musicien génial de R&B, Salam Remy, là, elle accepte. Amy a 19 ans et le feu vert de Mitch, son père, qui est revenu dans sa vie et qui s'engage à contrôler ses finances. Il en est certain, son Amy est une poule aux œufs d'or. D'autant que le jour de la signature de contrat, il a croisé Aline Lennox, du groupe Eurythmics. Elle lui a assuré que sa fille allait devenir une star. Si elle le dit. Ladies and gentlemen, Miss Amy Winehouse! Hello, it's you again. Listen, this is an opening. Londres, automne 2003. Du haut de ses 20 ans, Amy est fière d'imaginer que derrière la vitre de son taxi, son père voit défiler son nom collé sur les murs de la ville. L'album s'appelle Frank, en hommage à Sinatra, et la presse est enthousiaste. Pour le très branché magazine Dazed and Confused, c'est l'un des premiers albums les plus impressionnants depuis des années. Le son y est si jazzy, si mélodieux. La BBC le qualifie d'original et sans concession. C'est presque un euphémisme. L'opus s'ouvre sur le titre Stronger Than Me, où Amy conjure son petit ami de se montrer plus fort qu'elle. Oui, mais quel homme pourrait se montrer plus fort que cette blanche à la voix de déesse noire maquillée comme Cléopâtre ? Pour créer, Amy a donc besoin d'admirer, de souffrir et de supplier. Et elle ne se protège jamais, contrairement aux artistes du style irréprochable qui contrôlent non-stop leur image. Non, elle remet même la déglingue à la mode. Alors évidemment, le public en redemande. En voilà une, enfin, qui avoue qu'elle aime les gars virils, qu'elle ne mange pas bio et qu'elle ne boit pas que de l'eau. Les journalistes aussi en raffolent. Car non seulement elle ressuscite un son, mais aussi une ambiance très rock. Et puis, quelle langue de vipère! Lorsqu'elle traite Madonna de has-been, limite mes mères, par exemple. Ouais, elle peut se le permettre. Son album est publicité par les plus grands. Même par Keith Richards, qui la compare à Aretha Franklin. Dans la foulée, on la nomme aux Brit Awards, au Mercury Prize, et elle reçoit un disque de platine. Un début de carrière époustouflant pour cette fille de tout juste 20 ans, qui en profite pour réaliser son rêve, s'installer dans le quartier de Camden, connu pour sa vie bohème. En témoigne ce reportage diffusé sur France 2. Voici un marché où, plus encore que les produits, on y vient surtout pour une galerie de portraits. À crête, à cuir, à clou, punk ou rock, coloré ou tatoué, voici un sanctuaire quasi unique au monde, une réserve protégée pour tous les anticonformistes, Camden Market. Ah, elle aime ça, traîner dans les pubs au Goodmeister ou au Holy Arms. Elle y joue au billard pendant des heures. Et il lui arrive même de passer derrière le bar. Elle y invente son propre cocktail, baptisé le Rickstasy. Un verre de vodka, une dose de liqueur de banane et une dernière de Baileys, la crème de whisky. Et c'est là, au Goodmixer, qu'elle rencontre celui qui va devenir son ange noir, la personne de Blake Fielder-Civil. Chapeau de gangster et cigarette à la bouche, maigre comme un chat sauvage, il se dit assistant vidéaste. En vérité, c'est une petite frappe qui passe de femme en femme. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. Oh, you should be stronger than me. Aujourd'hui, Amy Winehouse. France Inter. I told you. Affaire sensible. Nous sommes à l'hiver 2005 et la vie d'Amy ne sera plus jamais la même. C'est-à-dire que désormais, c'est la dépendance qui prend les commandes. Amy voulait un homme plus fort qu'elle, dont acte. Blake est déjà en couple, peu importe. Il ne fait rien de sa vie, aucun problème. Il prend de la cocaïne, pourquoi pas. De l'héroïne, du crack, où est le mal? En somme, l'idée d'Amy est de le suivre, quitte à accepter les sacrifices. Mais les descentes de longues griffures aux souffrances infinies. D'autant qu'après quelques mois, Blake la plaque pour sa précédente fiancée. Alors Amy Davis et plonge dans l'alcool, comme elle le confesse dans le documentaire d'Asif Kapadian. Avec la dépression, je ne mangeais plus, forcément, on perd l'appétit. C'était pas tant l'excès des boissons, plutôt les amphétamines. C'était très irresponsable. Mais tu buvais au réveil ? Oui, littéralement. J'attrapais tout de suite une bouteille. Cette souffrance lui permet d'écrire son deuxième album qui sera le plus puissant. Il le nomme Black to Black, un jeu de mots entre le prénom Blake, son amoureux, et la couleur black qui symbolise la dépression. Avec cet album, la transformation est spectaculaire. Physiquement tout d'abord. Elle était une pin-up marrante. Elle devient une pétroleuse ornée de tatouages avec sur son épaule droite le nom de sa grand-mère, Cynthia, et sur son bras gauche, l'inscription « Daddy's Girl ». Et fatalement, le prénom Blake, gravé, lui, sur son sein gauche. Musicalement maintenant, avec « Black Black », Amy impose un son de jukebox issu des girls band comme les Ronettes, dont elle est fan. Les paroles y sont rugueuses et inspirées. Sexe, drogue, dépression, tout y passe. Depuis sa console, l'ingénieur du son, Frank Socorro, se souvient que tout était plié entre midi et 21h, sans temps mort, comme dans un état d'urgence. Après quoi, Amy préparait un dîner pour tout le monde. Sa spécialité, la soupe au poulet. Son nouveau producteur, Mark Ramson, déclare « J'ai cueilli un instant de grâce ». L'album sort le 27 octobre 2006 et va rester 2 ans sommet des charts. Le premier single donne le ton, il s'appelle Rehab. Amy fustige le fait qu'on veuille l'envoyer en cure de désintoxication, ce à quoi elle répond non, non, non. Et elle explique que c'est son père qui la pousse à dire non, puisqu'il juge qu'elle va très bien. Mais est-ce vraiment le cas? Pas vraiment justement, comme en témoigne Pascal Louvrier dans son livre Amy Winehouse, No Limits à l'archipel en 2018. Amy a perdu 10 kilos. Elle a des tatous, un eyeliner qui souligne son regard halluciné, une choucroute signée Alex Foden, le coiffeur des stars, à 150 livres la postiche. De retour de vacances, son vieil ami et manager Nick Szymanski passe la voir à son domicile de Camden et il est sidéré par sa transformation. L'atmosphère est pesante. Il comprend que quelque chose cloche. Amy n'est pas elle-même. Elle est paumée, dans les vapes. Il songe à la drogue, mais pas à un joint. À un truc plus dur, comme de l'héro ou du crack. Elle a perdu sa gentillesse, sa tendresse, son côté brillant. Elle est au bord du gouffre, prête à plonger, semi-consciente. Et en même temps, quand elle parle de Blake, elle est touchante. Non seulement Amy est toujours dingue de lui, mais elle est désormais richissime. Elle peut lui offrir toutes les drogues qu'il désire. En quelques mois, son album s'est vendu à 11 millions d'exemplaires à travers le monde. The Guardian en parle comme d'un classique de la soul du 21e siècle. Et voilà qu'elle rafle tous les prix. Grammy Awards, Brit Awards, MTV Europe Music Awards, j'en passe. En janvier 2007, elle est présente à Cannes pour le BIDEM, le marché du disque. Au micro de France Inter, elle explique la jeunesse de son titre. Est-ce que vous pourriez nous parler de la chanson « I'm No Good » ? Yeah, I was with a guy who thought, you know, who although I was in love with him, you know, he really thought that You know, he really thought that meant that I'd wait around for him forever. And even though he was seeing other people, and I was just like, you know what, I'm not gonna, and you know, and he acted all surprised, and I was just like, well, I told you, I'm not a very nice person. Alors, cette chanson, je raconte l'époque où j'étais avec un type dont j'étais vraiment follement amoureuse. Et il pensait, comme il pensait que j'allais l'attendre toute la vie, il se privait pas d'en voir d'autres. Mais le jour où je lui ai dit, écoute, ça pourra pas se passer comme ça, il s'est aperçu que j'étais pas une si gentille fille que ça, d'où la chanson I'm No Good. Vous n'êtes pas une gentille fille? Not always. No always, comprendre, non, pas question d'être gentille. Sauf que devant Blake, elle plie. À ses proches, elle avoue même qu'en vérité, son rêve est de devenir une mère de famille et de chanter ponctuellement dans de petites salles. Mais business oblige, les studios la programment dans des salles immenses. En février 2007, peu après la remise des Brit Awards de la meilleure artiste britannique, elle déclare « Si je me prenais pour une célébrité, je me flinguerais. » Ça fait peur, vous comprenez, la célébrité. C'est terrifiant. D'autant qu'un drame s'ajoute à ce sentiment terrifiant. Durant l'hiver, sa grand-mère Cynthia s'éteint à la suite d'un cancer foudroyant. Alex, le frère d'Amy, plonge lui dans une dépression, tandis qu'elle-même se mure dans le silence. Plus tard, elle affirmera « Toute ma force venait d'elle ». Alors, comment faire? Se droguer, bien sûr. Pour tenir le coup et garder Blake avec elle. Pour résister à sa maison de disques aussi, qui lui réclame un troisième album. Et pour faire face au paparazzi qui la harcèle. Vous comprenez, cette fille est si charismatique, si belle. Les lecteurs de tabloïds en raffolent, et chaque jour, ils réclament leur dose. Que fait-elle? Où traîne-t-elle? N'aurait-elle pas encore maigri? Cette fille est une vraie junkie. Il est vrai qu'Amy maigrit à vue d'œil. Alors on s'inquiète, forcément. Hadley Freeman, The Guardian, écrit « Quand je l'ai interviewée en 2003, elle était bavarde, persuadée d'avoir raison surtout et indéniablement plantureuse. Mais en 2005, on voyait à quel point elle était devenue maigre, solitaire et malheureuse. Souvent, on la voit errer en mini-short et limée, le regard ailleurs, maquillage fatigué. Alors son manager, Nick Szymanski, jette l'éponge. Amy se tourne vers Ray Cosbert, son tourneur, plus doué pour multiplier les tournées que pour la calmer. Mais peu lui importe, tant que Blake reste près d'elle. D'ailleurs, pourquoi partirait-il? C'est elle qui paye toutes les factures, ainsi que les dealers que lui se charge de trouver. Il lui arrive d'en acheter pour 1000 dollars par jour. Et pour pallier son manque de sucre creusé par l'héroïne, elle se gave de bonbons Haribo qui la sponsorisent. La fuite en avant est impressionnante. D'autant qu'en cette année 2007, tout s'accélère. Preuve en est ce mariage express avec Blake, signé en Floride au mois de mai. Quelques jours au soleil, une escapade en bateau. Et voilà qu'il faut rentrer, parce que les affaires reprennent. Le 9 juin, elle rejoint Mick Jagger sur l'île de Wight pour chanter « Ain't Too Proud to Beg », un classique des Temptations. Alors la foule est en liesse. Mais aux journalistes, elle déclare « J'ai failli ne pas venir, car je me fous de ma carrière ». Le 27, elle accepte une interview de Stéphanie Binet pour Libération. Ce jour-là, le nouveau Premier ministre Gordon Brown prend ses fonctions à Downing Street et bien sûr, on lui demande ce qu'elle en pense. Je suis assez ignorante, vous savez. Je suis juste une musicienne. Il n'y a aucune réflexion derrière ce que je fais et je n'ai guère de consistance. Je suis même plutôt bête, pas si flûtée. Comme je ne pense pas grand-chose, les gens exagèrent. J'ai fait des télés bourrées, et alors? Je m'amuse. Vous savez, je n'ai jamais cru que j'étais née pour être chanteuse. Je suis supposée être une épouse et une mère. Je me suis mariée, maintenant, je voudrais être maman. Mais en même temps, il se trouve que je suis musicienne. Alors, je vais essayer de faire les deux. Mais comment agir lorsqu'on est sous emprise? Après avoir brillé au Rock'n de Belfort, elle pose un lapin au festival de rock en scène. Et elle ne tient plus sur ses jambes. Un soir, elle frôle overdose. Urgence, hôpital, lavage d'estomac. Les médecins insistent, il faut qu'elle se soigne, d'autant que ses poumons souffrent dans l'emphysème. Calme-t-elle le jeu pour autant? Non. Quelques jours plus tard, Elle se dispute avec Blake dans un palace et provoque une course-poursuite avec la police dans le quartier de Regent Street. Ses producteurs décident de l'envoyer à Paris. Un concert à l'Olympia, ça ne se refuse pas. Or, de l'Olympia, on passe au Zénith, donc de 2000 places à 7000, tout ce qu'exécre Amy. Et le concert est un fiasco, comme en témoigne Stéphane Davé du Monde, qui était dans la salle. Bien sûr, personne n'ignore l'instabilité de la londonienne, les problèmes de toxicomanie et d'alcoolisme qui ont mis cette diva à la une des tabloïds. One, two, check. La chanteuse est arrivée à l'heure pour la balance, a mangé normalement et n'a bu que de l'eau. Promis, juré, elle ne picole plus avant ses concerts, même si elle n'a pas dit pendant. Toujours outrageusement maquillée, la brindille tatouée est moulée dans une robe rose fluo et semble vaciller sous le poids d'une impressionnante choucroute brune. Dans cet accoutrement digne des girls group des années 60, on l'imagine meneuse de revue. Mais elle ressemble surtout à un moineau malingre perché sur de hauts talons, passant trop de temps à réajuster sa robe, son soutien-gorge et sa perruque. Sur disque, sa voix puissante est synonyme d'autorité et de gouaille. Au zénith, son timbre magnifique paraît vidé de son énergie. Un malaise s'installe. De fan prêt à frissonner, on se transforme en voyeur guettant les faux pas. Des faux pas qui vont se multiplier. Le 18 octobre, à la veille d'un nouveau concert en Norvège, Blake et elle sont arrêtés pour possession de drogue à leur hôtel. Placés en garde à vue, ils sont libérés mais payent une amende de 3800 couronnes. Bon, pas grave, hein, vu leur richesse. Mais un mois plus tard, leurs noms réapparaissent dans les pages faits divers. Cette fois, pour une sombre histoire de passage à tabac commis par Blake et son copain Michael Brown sur le patron d'un pub de Londres. Et ce n'est pas une mince affaire. L'homme est resté 12 heures sur la table d'opération et Blake plaide coupable. En outre, la justice découvre que ce dernier a tenté de soudoyer sa victime afin qu'elle retire sa plainte. Perquisition à domicile, menottes, sirènes de police, c'est l'imagerie d'un film noir qui se met en place. Blake est condamné à 27 mois de prison et Amy est plus désespérée que jamais. Les paparazzi la filment blafarde devant la tôle de Pentonville où elle rend visite à son amoureux. Est-ce un signe ? Le 9 février 2008, un incendie ravage son quartier de Camden, dont le pub The Holy Arms, où elle avait ses habitudes. La veille, elle avait remporté 3 des plus importants Grammy Awards. Un triomphe en demi-teinte, après que son visa lui ait été interdit, suite à des traces de drogue dans ses urines. La drogue, toujours la drogue. Ainsi, lorsque son nom est évoqué pour illustrer la BO du prochain James Bond, Quantum of Solace, les producteurs lui préfèrent Alicia Keys, une chanteuse moins risquée, comprendre moins droguée. Amy déprime. Sa voix ne sera pas associée au générique le plus connu du cinéma britannique. Alors, que lui reste-t-il en cette fin d'année 2008 ? Attendre que Blake sorte de prison ? Ce qui arrive en novembre 2008. Mais son premier geste est de lui envoyer la facture de son centre de désintox avant de déclarer au journal News of the World que l'idéal pour eux deux, ce serait de divorcer. Au passage, il lui réclame 2 millions de dollars pour ne pas publier les détails de leur vie intime. Un sale mec, quoi. En tout cas, les mois qui suivent sont un chemin de croix pour Amy. Plus elle se sent vulnérable, plus elle se drogue, ce qui la rend plus fragile encore. Ses producteurs sont exaspérés. La mettre sur scène est trop risquée et elle n'a pas écrit une ligne de son prochain album. Alors, on envoie un nouveau single. Ce sera Love is a Losing Game, une ballade lucide et triste dans laquelle elle résume son couple par ces mots. Un incendie de 5 étages quand tu étais présent. Alors, doit-elle divorcer de Blake ? Comprendre ? Comment trouver l'inspiration sans lui ? Et puis, la vie n'est-elle pas trop fade sans drogue ? Un jour, un homme arrive dans sa vie. Un photographe rencontré chez la chanteuse Kelly Osbourne. Lui aussi traverse un chagrin d'amour. La suite, c'est Frédéric Ferron qui nous le raconte dans Paris Match. Elle l'emmène à Sainte-Lucie, dans les Antilles britanniques, sorte de paradis pour les people en détox. Pour la première fois, un homme clean est entré dans sa vie. Il est vegan, ne fume pas, ne boit pas et ne prend pas de crack. Dans ce paradis, elle n'a plus besoin d'artifice et laisse ses robes 50s au placard, ainsi que sa choucroute. Restent ses 14 tatouages, dont son fer à cheval, sa Betty Boop, ses cœurs sur ses doigts, et Blake, écrit en gros. Mais bientôt, son père gâche tout en débarquant avec une équipe de caméramen pour la télé. Ce qui provoque chez Amy de nouvelles montées d'angoisse. À nouveau, l'alcool coule à flot. Il se souvient. Un soir, j'ai tiré sa pinte vers moi pour qu'elle ralentisse la cadence. Et elle s'est fâchée. Elle m'a dit « Tu veux quoi ? Vivre éternellement ?» Sans la prévenir, en effet, son père a signé pour une émission sur mesure intitulée « My Daughter Amy ». Et une fois de plus, elle se sent trahie. Elle s'exclame « Mais enfin, pourquoi les as-tu fait venir ? Si t'as besoin d'argent, je t'en donne !» Un mois plus tard, le magazine Elle titre « Pourquoi Amy Winehouse ne s'en sort-elle pas ?» En janvier 2011, son troisième album est annoncé, mais son producteur dément. Non, rien n'est prêt. Pourtant, la rumeur court qu'elle va mieux. Elle entamerait même une liaison avec Greg Travis, fils à papa, réalisateur à 16 heures. Hélas, ce dernier est tellement plus fade que Blake. D'autant que, faute de troisième album, elle doit chanter en boucle back to back, un cercle vicieux. C'est donc au bout du rouleau qu'elle arrive à Belgrade, en juin 2011, et qu'elle se saborde devant 20 000 personnes. De retour à Londres, elle accepte une nouvelle cure de désintoxication mais continue à boire trop de vodka. Le 21 juillet, elle téléphone à son amie d'enfance, Juliet, et s'excuse d'avoir été si ingérable. Le 22, c'est Greg Travis qu'elle tente de joindre, mais il ne la rappellera pas. Puis sa mère lui rend visite, elle lui trouve l'air ailleurs, et elle s'en va. Son père lui est en route pour un festival de jazz à New York, sans elle. La nuit tombe. Ensuite, les versions diffèrent. Certains assurent qu'elle a fait appel à son dealer, d'autres qu'elle a bu en jouant de la batterie et que ses voisins se seraient plaints. Le lendemain matin, son garde du corps passe la voir et il la trouve endormie, quelques bouteilles au pied de son lit. Mais à 16 heures, il comprend qu'elle est morte. Fin de la tornade Amy. L'info fait la une de tous les journaux. Les fans savaient depuis longtemps que cela risquait d'arriver. Mais lorsque le corps d'Amy Winehouse est emmené hier soir sous les flashs des photographes, pour certains, la réalité est trop dure à supporter. La chanteuse n'est morte que depuis quelques heures, mais déjà devant son domicile, les inconditionnels viennent se serrer les coudes et déposer quelques fleurs. Elle avait un talent incroyable, une voix magnifique. Je suis tellement fan que je l'ai tatouée sur mon bras. Sa musique m'a accompagnée dans mes jours heureux comme dans mes moments difficiles. Alors je voulais être là pour elle. La star est morte, seule, chez elle, à 27 ans. Immédiatement, Sky News évoque une overdose. Mais d'après les experts légistes, Amy a succombé à un coma éthylique alors qu'elle était en plein sevrage. 4,16 g d'alcool dans le sang. C'est une dose létale pour un corps à bout de force. Dans la foulée, pour les Inrock, le journaliste Stéphane Deschamps écrit « Qu'a-t-on retenu de la grande chanteuse des années 2000 ? Une silhouette de Betty Boop, sous-alimentée, belle et rebelle comme un tatouage sur le bras d'un dollar. Une voix de chat de gouttière qui recroque une souris ivre. Les clichés terribles d'une vie trop rock'n'roll. La voix de Nina Simone avec le plan de carrière d'une chanteuse de bar. Car son truc à elle, c'était juste de se défoncer la tronche et de chanter à l'ancienne, le plus honnêtement possible, pour soulager son cœur, comme on pleure un bon coup. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Amy Winehouse, notre invité Mishka Assayas. Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour Mishka. Vous produisez depuis 2015 l'émission Very Good Trip sur France Inter entre 21h et 22h. Alors manifestement, Amy vous intéresse. Peut-être même vous fascine-t-elle. Si tel est le cas, pourquoi ? Ah, ben, vous attaquez fort. Ouais. Écoutez, je l'ai vu, j'ai eu la chance de la voir, c'était un concert privé à Paris, enfin privé, c'était la maison de disques Universal qui l'avait organisé, et c'est drôle parce que vous avez cité l'article de Stéphane Davet après son concert au Zénith, et il parle en effet de brindilles, de fragilité, de moineaux, et c'est incroyable. Moi, ce qui m'avait bouleversé, c'était qu'on avait l'impression qu'elle allait se briser en mille morceaux, mais d'un moment à l'autre. J'en ai vu, hein, des gens sur scène, j'en ai vu des défoncés, j'en ai vu des seins, j'en ai vu de toutes sortes, si vous voulez. Mais là, il y avait quelque chose qui était de l'ordre... Enfin, on se demandait si elle allait y arriver, quoi. Elle n'avait pas l'air vraiment d'avoir envie d'être là. Et ça, je crois que c'est ça qui a fasciné, peut-être moi, peu importe, mais je crois le public, c'est que c'est quelqu'un qui a fait ça, poussé par une forme de nécessité intérieure, et qui n'avait pas de plan de carrière, qui n'envisageait pas la musique comme un produit, c'est ce qu'on entend aujourd'hui tout le temps, et qui avait, de toute évidence, une vulnérabilité hors du commun. Donc, hélas, ouais, enfin, on connaît la fin. Ah bah oui. Alors, vous connaissez sans doute Philippe Manœuvre. Bah oui. Critique rock que tout le monde connaît, qui se souvient très bien, lui aussi, de la première fois où il l'a vu, c'était sur l'île de Wight, il avait écrit « Elle était débutante et arpentait la scène avec son petit short, ses grandes guiboles et sa choucroute. Elle faisait un tel effet que des gens explosaient en larmes, bouleversés par sa voix. Le lendemain soir, elle chantait avec les Stones et c'était l'apothéose. Et là, tout le monde s'est dit, la relève est là. Vous vous êtes dit ça aussi, vous? La relève est là? Non, j'ai pas pensé à, je pense pas en ces termes. C'est pas comme, vous savez, comment dire, on attend que quelqu'un prenne la relève parce que sinon la flamme du rock'n'roll va s'éteindre ou du... C'est quoi? Je vois pas les choses comme ça. Je pense pas du tout qu'elle le voyait comme ça. Vous savez, moi, ce qui me frappe dans la musique d'Amy Winehouse, c'est que c'était une musique qui était assez anachronique en réalité. Il y avait un vernis de modernité parce qu'elle travaillait dans des studios actuels, enfin du début du 21e siècle, et avec des gens qui avaient travaillé avec des artistes de R&B, de hip-hop, etc. Mais vous l'avez dit tout à fait très justement dans votre émission, c'est que sa voix évoquait Sarah Vaughan, Dinah Washington, Billie Holiday. Il y avait quelque chose d'absolument intemporel dans sa musique. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui n'appartenait pas à des genres à la mode. Vous prenez le milieu des années 2000, qu'est-ce que c'est les artistes qui sont les plus populaires? Justin Timberlake, Beyoncé, Coldplay. Bon, ce sont des sons très contemporains. Alors elle... Je dirais pas qu'elle était archaïque, parce qu'il y avait des choses de son temps. C'était une jeune fille de son temps, vous l'avez rappelé. Elle avait créé un duo de hip-hop quand elle était collégienne. Mais, au fond, ce qui touchait tout le monde, c'est qu'elle aurait pu être née au début des années 1900. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait quelque chose qui était complètement hors du temps. Moi, ça m'a fasciné, ça, chez elle, oui. Alors, côté look, Lagerfeld et Gauthier étaient fascinés par son allure, celle qu'elle avait inventée. Ils s'inspirent même d'elle pour leur défilé. Lagerfeld lui dédie sa collection Chanel lors de la Fashion Week en 2007. Et il dit, Amy Winehouse est la nouvelle Bardot brune, c'est elle qui dicte les codes et pas l'inverse. Et puis alors, l'année d'après, sa silhouette inspire aussi à Peter Lindbergh, une série parue dans Vogue. Il y a donc, comme souvent d'ailleurs dans la musique contemporaine, il y a la musique et il y a un personnage. Oui. Ah ben indéniablement, c'était quelqu'un qu'on n'avait jamais vu sur scène avant. C'est-à-dire que il y avait en effet cette allure très surprenante, parce qu'il y avait quelque chose de très rétro dans son look. Il y avait cette coiffure choucroute qui renvoyait aux années 60, aux girl groups en effet, vous l'avez rappelé, du début des années 60, comme les Shangri-Las, etc. Puis il y avait aussi quelque chose de Motown. D'ailleurs dans la musique aussi, les Supremes, Back to Black, ça pourrait être une chanson de Diana Ross avec les Supremes pour Tamla Motown, et puis il y avait donc cette espèce de vous savez, puis alors bon, je suis pas expert en maquillage et tout ça, je vais dire des bêtises, mais il y avait ces traits d'eyeliner effectivement qui rappelaient beaucoup les années 60, et c'était complètement Alice là Cooper, encore notamment. Intemporel et anachronique. Oui, oui. Un maquillage à la Alice Cooper, entre autres. Oui. Non, ça renvoyait plus, vous savez, aux vampes des années 60. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pense vrai. Qu'on a été enfant à peu près au même âge, hein, Fabrice, donc, oui, nous sommes jeunes tous les deux. Que je veux dire. Les Ronettes, par exemple. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, d'ailleurs, elle a chanté. Il y a une chanson. Alors, je conseille vraiment aux auditeurs d'écouter une chanson qui s'appelle To Know Him Is to Love Him, qui est une version, une maquette. Hein. Enfin, elle a enregistré toute seule à la guitare d'une chanson de Phil Spector, qui est la première chanson que Phil Spector a composée. Phil Spector qui a écrit tous ses tubes pour les Ronettes, justement, Dadou Ron Ron. Enfin, c'était les Crystals. Enfin, peu importe. Enfin, tous les Be My Baby. Enfin, tous ces en fait elle était très rétro et je pense que c'est son indifférence justement au mode, son indifférence à ce qu'il fallait faire pour être populaire qui a fait son style. Vous savez, les gens qui sont imités sont ceux qui disent moi la mode je m'en fous complètement, je suis moi-même. Et avec ses tatouages, effectivement on n'avait jamais vu ça à l'époque. En plus ça venait d'une jeune fille qui était absolument sans histoire avant, enfin sans histoire, tout le monde a une histoire, mais ce que je veux dire c'est qu'elle n'était pas du tout dans la déglingue quand elle a commencé, pas du tout. D'ailleurs, vous avez parlé de son premier album Frank. Bon, en effet, Frank Sinatra, c'est son père qui était un grand amateur de jazz qui l'avait initié. C'était il faut quand même rappeler qu'elle avait suivi des cours à la fameuse Brit School qui est dans la banlieue de Londres, cours auquel également Adèle, la chanteuse Adèle, avait assisté. Je pense pas qu'elle était dans la même classe, c'était de la même génération, et donc elle avait une technique de guitariste de jazz tout à fait correcte, même excellente, elle n'avait pas du tout ce pour projet de se détruire, enfin de d'être rock'n'roll ou Dieu sait quoi. Je pense que c'est comme vous l'avez rappelé très justement, à la suite de ses déboires avec ce mauvais garçon dont elle est tombée, dont folle amoureuse, que quelque chose s'est produit qui l'a précipité vers la part sombre d'elle-même. Et puis il faut rappeler quand même une chose, c'est que Amy Winehouse composait ses propres chansons. Oui, ça c'est important. Elle était extrêmement méticuleuse en studio, vous savez. Elle refaisait les prises. Elle était mais d'une rigueur et d'un acharnement au travail exceptionnel. Mais vous savez, elle écrivait ses textes, et à un moment donné, il y a le producteur qui était Mark Ronson, qui était un DJ et musicien new-yorkais, qui vraiment a beaucoup contribué à créer son son et sa légende, d'une certaine façon, puisqu'elle a chanté avec d'excellents musiciens américains qui étaient ceux qui avaient accompagné la chanteuse soul Sharon Jones. Il lui avait dit, écoute, change ça parce que ça ne rime pas. Et elle l'a regardé, mais t'es fou, ça m'est venu, c'est exactement ce que je veux dire, je ne vais pas changer un mot parce que ce sont mes mots. Vous voyez, juste une chose, le Phil Spector dont vous me parliez il y a quelques minutes, c'est le même, c'est celui qui est devenu producteur après, qui a fini en prison. Ah ben vous savez, Phil Spector est celui qui était cette espèce d'homme orchestre qui a écrit, a arrangé, orchestré, produit ces tubes du début des années 60 que les yéyés ont popularisé chez nous. Vous savez, ces girl groups, les Ronettes, les Crystals, tout ça, c'était Darling Love, c'était lui. Enfin, il a très mal tourné quand même. Ah oui, donc c'est bien le même. Il y a bien qu'un Phil Spector. Ah bah évidemment que c'est le même. Ouais, non, moi je voulais quand même m'en assurer, il peut y avoir des homonymes. Ah oui, je peux vous le confirmer. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Mishka Assayas, on va écouter une archive au sujet de la descente aux enfers d'Amy Winehouse. Son producteur français à Universal, donc Valérie Zetoun, qu'il a bien connu forcément, qui donne son avis, ici au micro de Michel Pomaret sur France Culture. Comment est-ce que vous percevez cette chute? Et est-ce que ça vous étonne? Oui et non. Ça a le don d'énerver tout le métier. Parce qu'il y a plein de rendez-vous qui sont manqués, des rendez-vous importants, des émissions, ou même voir des concerts qui sont horribles. Je me souviens du Zénith à Paris qui est complètement raté, où elle est bourrée au dernier degré, où elle est dans un état lamentable. Et puis il y a tous les gens du métier qui se moquent d'elle. Et moi, ça me brise le cœur. Parce que je sais que Amy Winehouse, c'est un personnage de Balzac. C'est une artiste qui est morte, pas de la drogue, pas de l'alcool. Elle est morte par amour pour un mec. Mishka Assayas, dans la légende noire du rock, je pense à tous ces artistes, hommes ou femmes, qui sont morts ou mortes prématurément. Il y a toujours des histoires de drogue, des histoires de star system, et puis pour les femmes, des histoires de mecs, voire de pères, qui font une pression pas possible. Elle coche toutes les cases. C'est vrai. Non, mais je pense que Valérie Zetoun a dit quelque chose de très vrai, parce que en effet, il y a cette légende noire, l'alcool, la drogue, la défonce, la débauche, etc. Il y a des gens qui cherchent ça. Mais je veux dire, c'était pas Pete Doherty au féminin, Amy Winehouse. En effet, il a tout à fait raison, Valérie. C'était en effet quelqu'un pour qui les hommes ont été, faut dire ce qui est, néfastes. Alors c'est pas à moi de commenter ce genre de choses. Mais vous avez tout à fait raison, c'est un constat, de souligner. Oui. Pardon ? Oui, c'est juste un constat, mais on le partage. Ah oui, mais c'est un constat tout à fait fondé, oui, certainement. J'imagine que vous-même vous souvenez très bien du moment où vous avez appris sa mort. Ah, parfaitement, oui. J'étais en vacances, je me souviens, c'était à la fin de l'été. C'est certain que ça m'a, je m'y attendais pas du tout parce que j'étais pas du tout au courant de toutes ces histoires de paparazzi, de gens qui campaient devant chez elle et tout ça, tous ces trucs qu'on a entendus. Moi, c'était pas mon monde. J'étais un peu déconnecté de ce genre de choses. Comme dit Valérie Zetoun, c'est dramatique parce que c'est des rendez-vous manqués, c'est quelqu'un qui aurait, en plus, elle voulait aussi vivre une vie de femme épanouie, elle voulait avoir des enfants. Elle voulait mener à la fois sa carrière, enfin, des choses normales au fond. Enfin, elle voulait faire quelque chose de son talent. Vous savez, son premier album, bon, il est bien. Il y a déjà toutes les qualités, toute sa voix, sa musicalité. Mais c'est pas un album où elle s'est vraiment affirmée. Enfin, celui où c'est vraiment affirmé, c'est celui qui est d'après la rupture, qui a été le témoin de ses déboires amoureux avec ce néfaste là, Blake. Oui. Et donc on attendait la suite et puis je trouve qu'elle, justement, il y avait quelque chose de dans sa musique qui transcendait justement les catégories, les publics, les vieux, les jeunes, le R&B, le rock, la pop ou Dieu sait quoi. Enfin, ça réconciliait tout le monde. Moi je me souviens que les gens de tout âge aimaient Amy Winehouse, enfin, c'est quelle que soit leur entre guillemets culture musicale, leur approche de la musique. Donc c'est un énorme gâchis, et je pense en effet qu'elle n'a pas eu la chance de rencontrer les bonnes personnes dans sa vie. Et on s'est dit, c'est indéniable. Et on se dit toujours, nous, le public, le drame quand des jeunes artistes meurent comme ça, 27 ans, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu nous donner, quoi. Et là, le regret, souvent. Hein. Ah bah Kurt Cobain, c'est la même chose. Vous savez, moi, je me souviens, quand j'ai appris sa mort, j'étais à l'émission de Bernard Lenoir, ça m'a laissé sans voix, parce que c'est pareil, je me disais, mais moi, c'est un des derniers groupes de rock pour lequel j'ai traversé la France, parce que il jouait dans une petite salle, c'était au Transmusical de Rennes. Bon, et j'étais plus jeune à ce moment-là, donc j'attendais la suite quand on voit ce qu'ont été les enregistrements posthumes, publiés à titre posthume, mais quand il a fait le fameux concert unplugged, c'est-à-dire sans instrument électrifié, et qu'on a entendu Kurt Cobain, chanteur, qui n'était plus, dont le chant n'était plus brouillé par ce déluge de bruit, on s'est rendu compte de l'immensité de son talent. Et je pense que Amy Winehouse, c'est quelqu'un qui aurait pu aller extrêmement loin. Mmh. Extrêmement loin. Non, c'est vraiment très amer, tout ça. C'est très triste. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait s'initier à la musique d'Amy Winehouse, d'un point de vue purement musical? Quel album on pourrait conseiller? Ben vous savez, il y en a, en vérité, il y en a deux. Après, il y a eu des compilations, etc. Mais c'est indéniablement Back to Black. Mais il faut, je pense, se procurer la version dite deluxe, entre guillemets, qui comprend justement cette chanson très dépouillée, To Know Him Is to Love Him, qui est la reprise de cette première chanson de Phil Spector. Et puis il y a un aspect qu'il faut souligner, c'est qu'elle aimait beaucoup le reggae et le ska. Et il y a trois reprises d'un groupe dont vous vous souvenez sûrement, qui s'appelait les Specials, de la fin des années 70. Et elle reprend Monkey Man, etc., 12 ou 3 comme ça, et c'est vraiment merveilleux ce qu'elle en fait, parce qu'elle était capable de donner un relief particulier aux chansons des autres aussi, hein, comme les très grands interprètes. C'est-à-dire qu'elle était à la fois compositrice et interprète, et ça, il n'y en a pas beaucoup qui excellent dans l'un et l'autre registre. Est-ce qu'elle a des héritières aujourd'hui en musique? Ben beaucoup, vous savez, moi je me rappelle que quand elle est arrivée, j'avais écouté Frank, j'avais trouvé ça bien, mais sans plus, quoi. Enfin, il y avait à l'époque une chanteuse qui s'appelait Joss Stone, dont on parlait beaucoup, qui était un peu dans ce style soul. D'ailleurs, elle a travaillé également avec Mick Jagger. Enfin, elle n'a pas monté sur scène avec lui. Enfin, si, peut-être. Elle s'appelait Stone, ça tombe bien. Ensemble. Elle s'appelait Stone, ça tombe bien. Monter sur scène avec Mick Jagger. Oui, c'est vrai. Non, mais il y avait Duffy, il y avait des plein de chanteuses soul, pop, un peu rétro. C'était une tendance au milieu des années 2000. Donc, si vous voulez, elle était de son temps. Elle n'a pas révolutionné la musique. Elle était assez classique au fond, mais pas académique. Et beaucoup de ces jeunes chanteuses, vous savez, vous voyez ça dans les émissions de télécrochet, s'appliquent à répéter des recettes, à chanter comme on doit chanter, avec beaucoup de qualité, beaucoup de technique, beaucoup de précision. passion, beaucoup d'amour, beaucoup de savoir-faire. Mais vous savez, c'est il y a qu'une Amy Winehouse, il y en a pas deux. C'est ça le drame. Mm. C'est comme il y a eu que les Beatles. Il y a eu d'autres qui ont fait une musique qui s'apparente aux Beatles, mais il y a qu'eux qui ont eu cette universalité. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Et ben, puisque vous parlez de ça, ce soir, entre 21h et 22h, je serai vissé sur mon canapé pour vous écouter. Et hors de question de me déranger. Donc, vous continuez la rediffusion de la série sur Paul McCartney, c'est ça? Exactement, voilà, ce sera l'avant-dernier épisode, le 8e, voilà, avant le bouquet final, et puis avant mon retour sur les ondes en direct lundi soir. Ouais. Oui, ben oui. Et ce sera toujours sur la carrière solo? Là, vous êtes à la carrière solo? Vous savez, j'ai mélangé. Oui, vous mélangez, mais... Beatles. Mmh. Oui, je mélange. En fait, j'ai fait un découpage thématique, c'est-à-dire que McCartney a vraiment beaucoup de couleurs sur sa palette musicale, et donc j'ai découpé ça par thèmes musicaux, c'est-à-dire le McCartney soul, le McCartney blues, le McCartney folk, le McCartney musique baroque, etc. Vous voyez, enfin, il y a quoi faire, oui. Avec le boss. Il y a quoi faire, oui. Évidemment. Oui, oui. Les compositeurs oui, en chef. Oui, on connaît moins les albums solo tardifs du 21e siècle, qui recèlent vraiment des perles. Bah, nous, dont le dernier, d'ailleurs, qui est plutôt réussi. Alors, moi, le dernier, j'adore parce qu'il a la. Alors, il y a des gens qui l'ont critiqué parce qu'il a la voix un peu brisée. Oui, mais c'est. Plus comme avant, mais c'est ça qui est beau. Exactement. Cher Mischka Assayas, à ce soir. Et merci pour votre intervention dans cette émission Affaires Sensibles. Au revoir. Merci beaucoup, Fabrice Drouel. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Amy Winehouse, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmaz. Vous voulez une nouvelle ? Accédez au Pass Warner sur Prime Video Channels avec True Detective Night Country. Ces types sont morts pour une vraie raison. The Last of Us. House of the Dragon. Pour seulement 9,99€ par mois avec un abonnement supplémentaire. Profitez de 7 jours d'essai offerts. Le Pass Warner en exclusivité sur Prime Video Channels.